The inspiration of the sonnets has always been something of a mystery. All we know for certain is that some were written to a dark lady. A sonnet about jealous love. Their perfume lost, take these again. What of the noble mind, rich gifts wax poor when givers prove unkind. Yeah, my lord. Are you honest? My lord? Are you fair? What means your lordship? I did love you once. Indeed, my lord, you made me believe so. You should not have believed me. I loved you not. I was the more deceived. Get thee to a nunnery. Why wouldst thou be a breeder of sinners? We are knaves, believe none of us. Go thy ways to a nunnery. Help him, you sweet heavens. If thou dost marry, I'll give thee this plague for thy dowry. Be thou as chaste as ice, as pure as snow, thou shalt not escape calumny. Or if thou need marry, marry a fool, for wise men know well enough what monsters you make of them. Hair of a head in John the Baptist. Hair of a head in John the Baptist. Hair of a head in John the Baptist. and pay the debt I never promised. By how much better than my word I am, by so much shall I falsify men's hopes, and so offend. You make offense a skill, redeeming time when men think least I will. So will I, those that kept me company. C'est froid comme musique, hein? C'était A Hair on the Head of John the Baptist, ou, pour les gens pas bilingues du Québec, Un cheveu sur la tête de Jean-Baptiste. L'artiste, c'est Saltillo, ou de son vrai nom, Menton G. Matthews III. Sur l'album Ganglion, il est fidèle à lui-même et à sa recherche de l'émotion des vrais cœurs en peine, des endroits vides et sombres. C'est sa recherche du son de la désillusion et de l'espoir. On pourra trouver plus d'informations sur son MySpace à l'adresse myspace.com/saltillo et j'ai bien sûr mis en ligne le lien sur la page d'accueil du podcast osprey.net/pod. Donc les sons dangereusement profonds et mélancoliques de Saltillo représentent un peu mon état d'esprit actuel. Oh, je suis pas en peine d'amour, je suis surtout pas dépressif. Seulement, dehors il fait froid. Et le pire, c'est quand j'arrive à peine à dormir le soir, il est 3h du matin. La nuit ici, le mercure tombe à facilement moins 30 degrés Celsius, avec le facteur vent bien sûr. Et le froid ambiant, ben ça rend mon âme tout aussi froide. C'est donc dans le but très très très avoué de contrer la déprime hivernale que je vous présente cette édition maudite qui fait frette de Pchit, le podcast officiel de Spraynet et du Lapin Blanc. Alors on va avoir de la musique, comme vous entendez, qui réchauffe le cœur et... Oh et puis non, hein. Exit le latino cliché du sud pour réchauffer. Moi, je fais pas les choses comme tout le monde. Ben, pour moi, me réchauffer le cœur en hiver, c'est peut-être pas nécessairement de retourner à l'été, à 30 degrés, à suer comme un cochon. C'est peut-être juste de retourner un petit peu en arrière vers l'automne, ma saison favorite. Parce que moi, j'ai pas besoin d'un grand soleil plombant pour être chaleureux. Seulement un petit pull de laine quand je marche sous les feuilles d'automne le soir. Maybe we do wrong, spending each day wending our way along. But when we want to sing, we sing. When we want to dance, we dance. You can do your betting, we're getting some fun out of life. Comme voix, non? Cette voix-là m'apporte une vague de chaleur comme c'est pas possible. Cette voix-là, qui est souvent comparée à celle de Billie Holiday, c'est celle de Madeleine Perrot. Elle a commencé à faire du jazz dans les rues de Paris très très jeune, puis ayant été poussée par certains artistes, elle a commencé sa carrière commerciale en faisant les premières parties des spectacles de Sarah McLachlan et de Cesaria Evora, pour en nommer seulement ces deux-là. Une fois connue et adulée après son premier disque, elle va passer la plus grande partie de son temps à essayer de ne pas se faire remarquer, à jouer encore dans les rues de Paris, ou dans des petits cafés, mais toujours avec des noms d'emprunt, en se sauvant de ses obligations de promotion et refusant de faire des spectacles à grande échelle. Elle a sorti son dernier album dernièrement, et a recommencé à ne pas se présenter à des promos, et son label de disques, qui connaît maintenant très bien son tempérament, en fuit à les feux de la rampe, avait déjà engagé un détective privé pour la trouver, juste au cas. Et puis finalement, il l'a retrouvée à New York, à jouer dans les petits cafés, sous des noms d'emprunt. Une sacrée femme, je vous dis. Ce genre de femme, donc, qui me donne des envies de chaleur, hein. Bon, pas le genre de chaleur libidinale, non. C'est plus le genre de chaleur qui se retrouve sur une piste de danse. Sur un tango, par exemple. Ben quoi? Je vous ai dit que je vous placerai pas de latino cliché en début de podcast. J'ai pas exclu tout le latino, hein? D'ailleurs, parlant de latino, ma voix suave que je prends présentement est pas de la musique. Non. Contrairement à la première partie du podcast, j'enregistre présentement en fin de soirée, et j'essaie de pas déranger les gens qui dorment tout près. Explication étant faite, je vous laisse sur un tango que j'apprécie tout particulièrement, c'est du Gotan Project, le tango c'est différent. We'll be right back. habrá un lugar para cada despertar, un jardín de paz y de poesía. Porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Ce podcast-ci a une qualité sonore grandement améliorée à comparer aux autres. J'ai finalement remis la main sur mon microphone pour votre bon plaisir d'entendre ma mielleuse voix. C'est la joie, non? Mais aussi, il n'y a pas de montée de lait. Et ça, c'est nul, je le sais. J'ai un gros manque d'inspiration ces jours-ci. Assez que j'arrive pas à m'insurger contre quoi que ce soit. Tout au plus, je deviens sarcastique. Si vous voulez lire mon sarcasme, je vais vous rediriger vers mon vaudeville. L'adresse, c'est vaudeville, V-A-U-D-E-V-I-L-L-E. .spray.net. Donc, trêve de blabla inutile, je vais clore cet épisode avec la voix magnifique de Marlène Dietrich qui chante la plus que magnifique Vie en rose. Sur ce, je vous dis à la prochaine, cette prochaine fois d'ailleurs qui parviendra de mes nouveaux studios de Montréal. Et oui, je délaisse mon studio de Québec pour l'aventure vers la grande ville. Donc, d'ici là, bon hiver, joyeux Noël, bonne année et tout le reste. Bye les poussinots, à la prochaine!